Je voulais te dire, Max, tu me saoules, tu parles trop, tu coupes la parole à tout le monde. Sildar, toi, tu sais même pas tes défis. T'es un gros fainéant, t'es un con, Manus. Toi, t'es un porc, avec ta voix de fille. La Hanka, c'est une pétasse, une salope, elle est pas du tout sympa comme fille. Il y a Gérard qui est très bien, les débats sont très bien, mais vous êtes toujours en train de l'emmerder. Donc, vous feriez mieux de le laisser tranquille et de faire du bon boulot avec lui. Hein. Tu vois, pour être fan de Gérard, faut être soit complètement con, ou soit complètement bourré. Et là, elle, je crois qu'elle est un petit peu les deux, quoi. Gérard. www.mrcousine.net. Oh non! Ah, y a de l'audience à cette heure-ci, hein. Y a de l'ambiance. Non, de l'audience, crétin. Oh, allô. Ouais, salut Gérard. Bonsoir Max. Ça va bien? Ouais, je suis bourré. Allô. Ouais, qu'est-ce qui t'amène, Gérard? Ouais, je suis bourré, les mecs. Ah, c'est la fête, hein, au foyer. Bon, moi j'appelle surtout pour dire que, je suis complètement pété. J'entends pas Gérard qui dit comme connerie. Oh, t'as vu, t'es spécial, toi, hein? Quand je t'appellerai une potion, je suis sorti en dessous. Oh putain, c'est super. Et après, il y a le petit sperme qui sort et tu jettes une. J'ai fait la branlette espagnole avec ma copine. Ça se passe comment, la branlette espagnole? C'est quoi le délire? Elle me touche ma queue, putain, ça branle. Elle fait en travers, en plusieurs positions. Gentiment, je te caresse le cul, je te caresse les pieds. En plus, j'ai la bandeau, j'ai le truc d'enfer. En plus, j'ai envie de la chantilly, à mettre un peu de ketchup et à toucher un peu tes bichons et tes loubards. Et te caresser un peu partout, et tes pieds. Et je veux dire, je veux que tu sois chaude pour moi, je suis prêt. Si t'écartes les jambes, je lance en rousse. Alors maintenant, vous allez toutes vous faire foutre. Bah, je suis au foyer avec Bibi. Y a Henri, on m'a fait une surprise, là, il y a Henri qui est sorti du gâteau. C'est mortel. Allô? C'est chaud, j'ai envie de prendre mon biscuit. Ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Ma princesse, je voudrais te faire l'amour en écoutant un débat de Gérard. Ma princesse, je voudrais te faire l'amour au 56e étage du Workshop Center. Je voudrais boire un petit coup, mais ma jambe de bois m'en empêche. Voilà, terminé. Voici la gnagnagnagne. Ouais, j'ai fait des kiamagus, je l'ai mis par terre. Bon, tu viens de faire des quoi? Je pisse des connards. C'est pris dans... Dans le cul. Non, pas dans le cul, parce que toi, tout à l'heure, dans le cul, c'est qui dit ça? C'est un sacré cochon, ça. Je voudrais te dire je t'aime dans un bar à Surette. Je voudrais te dire je t'aime. Oh, je suis trop bourré. Ouais, je vais te dire une chose, que là, t'es loin d'arriver. En plus... Là, je peux te dire une chose. Non, j'ai fait de mon mieux. J'ai fait tout pour que ça rime pas. Avec une cochonnerie comme ça, tu y arriveras jamais, mon grand. Hein. Et toi, t'en as tiré beaucoup avec tes poèmes? Accroche-toi. Accroche-moi. Je vais m'accrocher. Ouais, parce que moi, je t'accroche pas. J'ai pas de... J'ai envie de j'ai la trique qui monte. Ah, t'as la trique qui monte, là? J'ai la banane qui monte. T'as la banane qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Bon, celui qui s'amuse à mettre de la musique, arrête. Oh, merde! Bon, celui qui s'amuse à mettre de la musique, arrête! Oh, merde! Je te fais des gros bisous. Je te mets le tuyau dans la chatte. Non, de toute manière, c'est toutes les semaines qu'on a des gogoles grâce au standard. Il y en a un qui garde son casque du constamment. Moi, je serais que lui, je me mettrai un casque chez moi et je dormirai avec. Salut à tous, bande de mous du bulbe, c'est Molz sur Radio GG pour une émission 100% Raider. On est ensemble ce soir pour découvrir ou redécouvrir les face-à-face qui ont opposé deux figures emblématiques du Star System, à savoir Gérard de Suresnes et DJ Maxime. Alors Gérard, tout le monde le connaît, si vous êtes calé sur Radio GG, c'est pas pour rien. En revanche, je vous propose de réécouter en introduction de cette émission l'un des tout premiers passages de DJ Maxime chez Max, histoire de recentrer un petit peu le personnage, et ensuite on entrera dans le vif du sujet, c'est-à-dire les confrontations entre Gérard et Maxime. Attention, débouche-toi les oreilles et le pourtour anal, ta mère va jumper. DJ Maxime, on y va? On est là, je suis là avec toi pour le tous en boîte. Ta mère, elle va jumper. Elle va jumper. Ta mère va jumper. Zou, zou, zou. Zou, il n'y a plus de slip, il n'y a plus de chatbot, il n'y a plus rien. Allez, fonce. Va niquer ta mère, va niquer les watts. Va niquer les watts, va niquer ta mère. Chou, chou. Attends. J'ai coupé parce que je ne croyais pas mes oreilles. On recommence. C'est très bien comme ça. Continue, t'es sur la bonne vibe. Ta mère, elle va jumper. Va niquer ta mère. Ta mère, elle va sauter, elle va bondir. Chou, chou. La tête, fonce. Nique ta mère, nique ta wad, nique ta capote, nique ta graisse. Chou, chou. Tais-toi. patte. Plus de tempo. Mais c'est pour faire mis ta mère, mis travail. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, il y aura des capotes, il y aura des préservatifs, il y aura des cartes à ruminer, il y aura des entrées de piscine. Live. Pompélope, chaud, comme la braise. Tous en boîte. Et des clubs numéro 1. Et des clubs. Faux, à fond la rein, à fond. Encore plus de balles. Plus de tempo. Live. Chaud. Pompélope. Tous en boîte. La. Et fait 65. Tu peux prendre la même voix qu'eux et tout? Oui, je peux prendre la même voix. Vas-y. Ah non, tu n'en mets. Attention, DJ Maxime, attention. Attention les watts. T'es prêt? Je suis prêt. Attention, attends. Les what is more? Tous en boîte. Et là, ils se prennent des radio, plus de rock, plus de tempo, plus de délire. Plus de rock. Les starbucks. Chaud. Plus de rock, plus de tempo et plus de mix. Et plus de capote, et plus de race, et plus de tempo. Chaud. B. Tu as niqué ta mère, tu as niqué ta race. Vas-y, fonce. Tu vas défoncer le mur. Tu vas te niquer la tête sur le mur. Et moi, c'est quoi? Saute. Tous en boîte. Les boomers. Tous en boîte. Tu vas niquer ta mère va niquer, va ta mère. Elle t'en veut encore, c'est, tu veux encore plus de sous, plus de watts. Mais va niquer ta mère, va niquer ta race. Mais non, non. Chaud. Il y aura des capotes, des préservatifs. Zo. Tous en boîte. Live. Dis-à-dis, on est dans la techno, on est chaud avec toi, mince, on met le feu. Tonnonale, minazon et minala. Plus de capote, plus de dance, des entrées à la piscine et des cartes à ruminer. Plus de tempo, là. On freine le disque. Du boulon, on s'arrache la gueule. Demain soir, je veux que tu m'appelles, Max. Encore plus de feu. Parce que je suis en vacances une semaine. Ouais, alors là, est-ce que tu peux pas parler fort, il y a ta mère. Ouais. T'as pété, toi pas... Oh là là là là là. Il fallait m'appeler à 9h30. Plus de délire, plus de tempo. Embargo, plus chaud, plus de bière, plus de la bière, plus de l'ail. Plus de bière, plus de direct. Et on va te bourrer, on va te péter. Plus de bière, plus de l'ail. Je suis en vacances jusqu'à vendredi. DJ Fou, je suis le DJ Fou. Je vais vous en mettre plein la tête. Ta mère, elle va jumper. Je chante là. J'arrête. Tu arrêtes. Ouais. Toi, le soir, maintenant, tu vas déménager d'ici, hein. Ouais. Y'a ta mère qui est rentrée? Je suis là. Y'a ta mère qui est rentrée? Ouais, parce que je me suis engueulé, j'ai parlé trop fort. On va le faire tout doucement, alors tu vas niquer ta mère doucement, hein. Ouais. Ta mère, mère, elle va jumper. Va niquer ta mère, va niquer ta race. Va niquer ta one, va niquer, il y aura tes capotes. Allez, fonce, il va avoir une grosse queue. Il va vous aller voir la bandouche. Télé Washington. Plus de tempo. Fly. Pète les boomers. Boomer, nique les boomers. Ta mère va jumper. Nique les wababapi. Ah, je... non, c'est chaud chaud, hein. Encore. Va niquer ta race, va niquer ta mère, va niquer tout, va sauter toutes les nanas. Des séries. La la la la. Ta mère va jumper. Ta mère va jumper. Ta mère va jumper. Va niquer les bourgeois, va niquer ta race, va niquer ta mère. Je voudrais bien violer, j'ose pas. J'ai un peu les boules. La, la, la. Tu veux niquer, j'ose pas, c'est bien. Ah, t'es excité ce soir, hein? Ouais, je suis excité ce soir. Tu vas te branler là avant de te coucher? Ouais, on va faire une petite branlette. Toutes les plus grandes stars sont sur Radio GG. Bonjour à tous, c'est Dominique de Villepin. Pour oublier mes conneries, j'écoute Girard sur le web et j'ai pas de fréquence. Salut, c'est Alison. Et pendant que je me fais défoncer comme une gourde à sa foutre par un ex-star académicien, j'écoute Radio GG sur mystercousin.net. Mr. Cousin, it's Trevor. Have you a big baby big fat girl called Man Mouth Mischief, do you know? The R14, Air Cators, did you see? Clodo, Radio GG. Des hurlements non-stop, www.mystercousin.net. De retour sur Radio GG avec toujours plus de raideurs et de jeux de mots tout pourris pour lesquels il n'y a pas la place dans cette émission. On enchaîne direct avec le premier duel verbal entre Gérard et DJ Maxime. Nous sommes le 10 octobre 2000 et ce soir-là, Gérard avait un souci à régler avec Maxime et de fil en aiguille, ils en sont venus à s'insulter comme des cons, à se traiter de tous les noms, enfin bref, il n'y en avait pas un pour attraper l'autre. Donc voilà, donc bon, c'est pas de leur faute, et puis toi t'aurais pu faire aussi un petit peu attention. Ouais, je sais, au numéro qui était diffusé. Mais sauf que je connaissais pas ton numéro par cœur, donc j'ai pas fait attention du tout. Mais c'est passé quoi? Parce que moi j'étais dans la voiture, j'ai pas entendu en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai, ouais, c'était quoi déjà pour rappeler aux auditeurs qui n'étaient pas là, Gérard? C'était mardi, comme c'était à la Saint-Gérard. Et qu'il y en a un qui s'était fait passer pour moi et qui avait diffusé mon numéro à l'antenne. Et ah oui, oh là là. Bombardé de numéros. T'as été bombardé quand même? Ben ouais, et de manière, ce numéro-là, de manière, c'est même plus la peine d'appeler. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Voilà, exactement. Donc, ils se démerdent. Par contre, je vais m'en prendre après ton petit connard de DJ Maxime. Ouais. Parce que pour moi, c'est un petit con. On va l'appeler tout de suite, DJ Maxime, si c'est faisable. Et d'abord, juste, quand même, pour que ça soit bien clair, que les auditeurs se disent bien que c'est une grande famille, le Star System. Est-ce que Manu accepte les excuses de Gérard? Bien sûr, mon GG. Bon, oui. Bon, comme c'est mignon, oh là là. Par contre, il y a encore autre chose qu'on voudrait dire, qu'on commence à en avoir ras-le-bol. C'est que quand j'ai pris le courrier l'autre fois, on a reçu quand même un petit courrier anonyme, une menace de mort. Alors, je voudrais que ces menaces de mort... Non, mais là, c'est du courrier anonyme quand même. J'espère pas qu'il y ait des gens... Non, mais bien sûr, personne souhaite ta mort. Attends, c'est... Je pense non, que... non, mais c'est pas, ça m'était pas adressé. Ça s'était adressé pour ta bibi qui voudrait que tu lui fasses Sodomane ce soir. D'accord, ok. Je vais lui faire Sodomane ce soir. Mais Sodomane, justement, il y a son agenda, un Punisher. Hein. Punisher, Sodomane, c'est un peu les mêmes. Hein. C'est, ouais. C'est les mêmes personnages. Hein. Ouais, mais il voudrait... Elle voudrait que Sodoman lui fait, que Punisher lui fasse Sodoman. D'accord, mais Punisher et Sodoman, ce sont les mêmes personnages. Sachez que quand vous êtes dans l'agenda de Punisher, les filles, vous êtes dans l'agenda obligatoirement de Sodoman. Et Punisher est là pour punir les filles. Donc vous laissez votre numéro de téléphone et Sodoman peut appeler à n'importe quel moment au Punisher pour vous punir ou alors pour vous sodomiser. Hein? Voilà. On est d'accord. Mais toujours dans le cadre du deuxième degré, dans l'humour, dans le Saint-Esprit. Amen. Alors Gérard, donc Anka et Manu ont accepté tes excuses et nous avons en direct live notre ami DJ Maxime. C'est DJ Maxime, là. Qu'est-ce que t'as à me dire, sale connard? Tous des gros mots, tu me tripules ses bras, t'es bien en enculé, Gérard. Et toi, t'es bien pichoté. Et même ta femme, elle pue, ta femme. Elle a attends, et la tienne, tu sais c'est quoi? C'est une grosse salope. Ouais, la tienne, toi, t'es un gros salaud. T'es un gros PD. Non, non, mais c'est bon, alors. Je pensais que vous alliez dialoguer, moi, je pensais pas que c'était... DJ Maxime, un conseil que je te donne. Oui. Arrête de parler de moi à l'antenne, parce que sinon... Toi, t'as un gros cul, parce que je t'ai jamais aimé. Je vais te faire une tête au carré, mais tu vas pas t'y... Je t'ai jamais aimé, parce que t'es un tête au carré. Non, attendez, on se calme. Je te donne, Kiki Maxime. Attendez, vous parlez tous les deux en même temps. Alors chacun votre tour. Gérard d'abord. Arrête de chercher la merde, Gérard. Ouais, il va la fermer, c'est qu'elle veut m'aider là. Bon, attends, non, arrêtez. DJ Maxime, calme-toi, laisse parler Gérard. Ça commence très fort ce soir. Vas-y, calmons-nous. Oui. Alors vas-y, Gérard, qu'est-ce que tu vas dire? Alors j'ai à lui dire que quand il passe à l'antenne pour faire ses trucs là, il a pas besoin de dire ouais Gérard c'est un gros con comme il a été dit hier, parce que je vais te dire une chose, Gigi Maxime, que quand je suis à l'antenne, je ne t'insulte pas. Alors t'es pressé t'es prié de respecter la vie privée des autres. D'accord? Moi je ne t'insulte pas. Alors si tu veux que je t'insulte, toi, t'es un gros con, y a pas de problème. Alors tu me laisses finir, s'il te plaît. D'accord? Je sais que t'es un gros con, tu cherches toujours la merde. Et toi t'es un gros con. T'es en train de se branler. On se calme. Sinon je vais tirer ta crampe, t'es un puceau. Oh attends, je suis un puceau, non mais attends, toi t'es un jeune voleur. En plus, t'es un mec de nous faire croire qui baisse n'importe qui. Attendez, attendez, on se calme parce que là, bon, attendez, là on va se calmer, sinon j'étais obligé d'évacuer tout le monde, je vais être obligé d'évacuer la salle. Hein. Qu'est-ce que tu en... Pourquoi DJ Maxime, tu en veux à Gérard? Parce qu'il des conneries sur mon dos, il me dit ça, l'enculé et tout. Mais il a jamais dit ça, Gérard, t'as déjà dit ça. Parce que je l'ai jamais aimé, Gérard. Attends, et dans ces cas-là, au lieu de te branler, là, t'es en train de te branler, il a raccroché. Tu respires. Il a raccroché. On va rappeler parce qu'apparemment, il est tellement énervé qu'il monte trop la voix et du coup, ça coupe. Alors, c'est vrai que je comprends pas pourquoi DJ Maxime en a autant envers toi, Gérard. Hein. Mais attends, celui qui se dessine dans sa tête là ou quoi? C'est incompréhensible. Celui qui dit que j'insulte alors que c'est... Je sais, ouais, c'est incompréhensible. Non, complètement taré, ce mec. C'est incompréhensible, je suis tout à fait d'accord avec toi. On rappelle DJ Maxime, c'est en train de sonner, vous le mettez directement en air, qu'est-ce qu'il y a? Ça ne fonctionne plus, Manu? Ouais, c'est sa messagerie, mais on va essayer les autres... D'accord, parce qu'on a d'autres numéros de téléphone. Je ne comprends pas pourquoi il en veut autant, je ne comprends pas. Moi non plus. Hein? C'est démentiel. Tu en vas accueillir en même temps Yann, t'es avec nous, t'as 15 ans, t'es de Limoges, salut Yann. Salut Max, bon, tu connais... grand maître du Star System. Ah, voilà qui fait plaisir mon petit Yann. Ah, tu m'étonnes. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu connais Gérard, j'imagine. Bah, c'est bon, clair. Tu connais DJ Maxime. Aussi. Bon, ça serait quand même bien qu'ils s'entendent bien tous les deux. Plutôt, ouais. Alors comment ça se fait? Comment t'expliques ça, toi Yann, de l'autre côté de la radio en tant que jeune auditeur? Bah, à mon avis, entre Gérard qui a une grande gueule et DJ Maxime qui sait pas... retenir tes mots, c'est sûr qu'à un moment ça peut foirer, quoi. Ouais, c'est dangereux. Hein. Toi, t'as pas de conseils particuliers à donner, Yann, à ces deux uberlus? Faudrait que DJ Maxime, il ferme sa gueule quelques fois, et bon. Puis Gérard, pareil. Hein, alors, est-ce qu'on peut récupérer DJ Maxime? Non, j'y arrive pas, ça. Bon, pendant ce temps-là aussi, je rappelle que comme Fildar est dans le studio et qu'il a en ce moment devant lui l'écran internet avec le clavier... Justement, ça tombe bien, il y a Doug D qui dit... Putain, un petit sondage, vous êtes pour qui? Gérard ou DJ Maxime? Donc, vous dites Gérard ou DJ Maxime. Lui, voilà. Doudji, il est pour Gérard déjà. D'accord, donc on peut donner l'adresse, tiens, si on veut aller sur le site internet. Si vous avez sur le chan de Fun Radio. D'accord, donc irc.funradio.fr, c'est ça? Ouais, sur le chat. Pas bon, c'est ça, Anka, ou pas? C'est ça, tu connais, toi? C'est ça ou c'est cool.org. D'accord, très bien. Voilà. On a récupéré, Yann, on a récupéré DJ Maxime, t'étais où? Juste parce que j'avais appuyé sur un mauvais bouton. D'accord, j'étais en train de baiser là. Attends. J'en suis en train de tirer ma crampe en ce moment. Ouais, bien sûr, j'en doute pas un seul instant, ouais. Dans la pièce, Gérard, c'est un gros PD. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut? Alors, je veux te dire une chose, que le gros PD, tu sais ce qu'il te dit? T'es une fille de pute. Ah non, ouais. Toi, t'es un fils de pute. Ah non, c'est bon, Stop. Non, j'appuie sur le buzzer. Stop, terminé. Ouais, Max. Oui. Je veux dire, quand il dit à l'antenne, il sait croire, il ne sait rien dire. De toute façon, il dit rien à l'antenne, il est nul à l'antenne, il ne voit rien. Bon, alors, on va arrêter là, parce que là, vous vous insultez, ça ne sert à rien. Donc, on va stopper là pour ce soir. DJ Maxime, bon, donc Gérard, tu as passé ton coup de gueule contre DJ Maxime. Il n'y a aucun dialogue qui peut s'installer entre vous deux pour le moment. Donc, ouais, il n'y en aura jamais. Ça va être difficile. Il n'y en aura jamais parce que je vais dire une chose, que quand il arrêtera de dire des conneries sur moi, dans ce cas-là... Des conneries? Je peux dire, le jeudi, ils vont rien à l'antenne. Non, attends, mais toi, tu vois rien à l'antenne. Tu peux appeler des nanas pour leur laisser des messages. C'est des conneries, Arrêtez, stop! Stop, je vais d'appuyer sur le buzzer comme un fou furieux. Vous discutez, vous ne dialoguez pas, vous parlez tous les deux l'un sur l'autre, on ne comprend rien et c'est dommage car vous avez probablement des choses très intéressantes à nous dire. Et tous les gens qui sont de l'autre côté de la radio sont en train de se demander qu'est-ce qui se passe. Il y a des gens, des grandes personnalités de cette émission. Gérard, tu en fais partie. Maxime, tu en fais partie. Ces gens-là espèrent qu'un jour vous allez devenir des grands amis et qu'on pourra réunir tout ce beau monde dans un studio de radio. Mais comment faire? Parce que vous n'arrêtez pas de vous taper dessus. Bon, que vous vous traitiez de fils de pute, c'est amical. Oui. Mais quand même, attention au débordement, parce que de fils de pute, on en arrive à crétin. De crétin, c'est à chapelle hippopète, en douille. Tu m'embêtes, imbécile. Tu vois, ça peut aller très très loin dans la vulgarité. Très loin. Et en plus, je peux dire un truc. Oui, oui, oui. Sans surgérer, parce que là, ces débats, ils vont rien, parce que c'est toujours la même connerie, raccrocher au nez aux gens sans raison. Mais il a des raisons, Gérard. Quand tu raccroches au nez des gens dans tes débats, c'est que t'as des raisons. Ben oui, mais attends, mais lui... Ça me plaît pas du tout. Attends, Gigi Maxime, moi je vais te demander une chose. Gigi, parce que là, depuis le temps que t'es en train de... Là, tu dénires mon nom comme il faut, Gérard. Bon, attends, laisse-le parler, vas-y, Gérard. Hein? Quand tu t'amuses à demander aux nanas de leur laisser des messages crus, tu crois que les nanas vont se machiner pour toi? Mais tu rêves, là. Et moi, j'en ai une copine, je peux dire, j'ai une copine... Mais attends, samedi, mais moi aussi, j'ai une copine, c'est pas... Je peux dire qu'il va même pas au cul, toi. Bon, c'est bon. On arrête là pour ce soir. Peut-être que DJ Maxime, on te retrouvera plus tard dans la nuit. Plus tard dans la nuit pour faire les prix de... D'accord. Alors il y a un vote. Alors écoutez, Gérard et Maxime, on a eu fait un vote donc sur Internet. J'espère que vous êtes nombreux. Et donc Fildar va nous dire qu'est-ce que ça a donné. Bah c'est kiff hein, 50-50, hein, une ex sont pour Gérard, genre comme Dunkerman. Il y a le petit Alain aussi qui est pour Gérard. Il y a Xoko qui est pour... Ah non, Maxime, c'est un naze. Xoko est aussi pour Gérard. Il y en a qui sont pour Maxime, donc c'est 50-50. D'accord. Et il y a le petit Lalin qui finit en disant ce qui serait bien, tant que je retrouve, c'est que Gérard et DJ Maxime soient les meilleurs amis du monde. Eh ben voilà, qui nous ferait bien plaisir. Ça serait bien, on fait la paix, on se dit plus des conneries dernières notes d'eau. Oh bah alors ça c'est beau, alors là j'applaudis, là on applaudit tous dans le studio. Ah bah ça fait plaisir Gérard. Gérard est très bon esprit ce soir, j'ai l'impression que DJ Maxime a décidé de mettre un petit peu d'eau dans son vin. Donc est-ce qu'il est possible maintenant et en direct que Gérard, tu te forces, mais même si c'est de l'imagination, tu fais 10 secondes où tu mets DJ Maxime en valeur. D'accord. Et après on fera DJ Maxime avec Gérard. Alors Gérard, tu démarres, vas-y. Non mais moi il fait comme... Non, je te demande. Pendant 10 secondes, tu fais comme si tu voulais faire des éloges à DJ Maxime. Pendant 10 secondes, vas-y, top. Ben même, moi de manière, j'ai rien à lui dire, c'est lui qui m'a provoqué. Non mais là, attends, là t'es idiot ou quoi? Je te demande si c'est possible, on fait semblant, mais... Mais là tu vois rien, mais non, alors, que tu parles, Maxime, bon, allez, Gérard, dans un sens, il a raison, je te demande de faire un truc, tu comprends pas, alors on va faire l'inverse. DJ Maxime, est-ce que pendant 10 secondes, tu peux faire des éloges sur Gérard? Moi je pense qu'il est bien, il fait des trucs bien, il faut pas rire à cochonner, je peux dire il est sympa. Voilà, alors Gérard, est-ce que tu peux faire pareil, même si c'est semblant, vas-y. Ouais, moi, quand je l'écoute, ça me fait délirer, c'est tout. Voilà, ça fait plaisir. Et bah, faudrait qu'on fasse la paix. Et c'est sur ces belles paroles que nous allons vous quitter tous les deux. Gérard, on te retrouve, nous, jeudi. Et DJ Maxime, on le retrouve. Oui, attends, justement. Alors d'abord, Gérard, on te retrouve jeudi, c'est ça? Voilà. Pour un débat qui portera sur les catastrophes. Voilà. Donc on parlera de choses très sérieuses. Donc comme tu l'as dit, pas sérieux, s'abstenir. Voilà. C'est entre minuit et 2h du matin, jeudi. Mais tu seras déjà là, dans les studios, à partir de 21h. Ok. Gérard, je t'embrasse, tu embrasses Bibi. Ok, bah écoute. Et dis-toi que Punisher ou alors Sodoman peut arriver à n'importe quel moment lors de cette soirée. Alors on pourrait s'arrêter là, mais figurez-vous bien que deux jours plus tard, Maxime rappelle, Gérard était dans les studios, c'est reparti de plus belle, je vous laisse deviner, allez écoutez plutôt. DJ Maxime est toujours là, est-ce qu'il est là? Toujours là, comme d'hab. Très bien, t'es chaud? Je suis chaud, j'ai envie de parler de sexe, tout. Alors... j'ai envie de foncer sa copine de Gérard. Eh, hey, DJ Maxime! J'ai envie de l'enculer, ta chérie! Putain. Eh là, tu parles. Alors je vais te dire une chose, mon pote, que là tu vas te faire enculer ce coup-là, mais grave de chez grave. Ah ouais. D'accord. Alors toi, tu vas te faire enculer. Je ne te vois pas dans mes débats. T'es un gros connard, t'es un gros patard, t'es un poireau. Et toi, t'es une grosse pute. T'es une grosse queue. Mais t'es vraiment taré, toi. Mais. Eh, Je crois qu'à la naissance, ta mère, elle a oublié de te sortir de... T'as oublié de mettre des couches pantes. Ouais, bah toi, elle... Et toi, je crois qu'elle est... T'es tombé du landau à ta naissance, mon pote. T'es tombé du landau, ça va être le bordel ce soir, le débat, Gérard. Et ta mère avec. Et ta mère avec, ta mère va jumper. Ouais, bah la tienne, elle va jumper dans... T'auras plus de... Ouais, d'accord, on comprend pas du tout ce que tu dis. Qu'est-ce que tu dis? Parle doucement, t'énerve pas ou pas? Je veux dire que sa copine Cindy, je voudrais bien se la faire, sa copine Gérard. C'est vrai? Elle est trop mignonne, elle est trop bonne, j'aimerais bien la sauter, la féminiser. Ouais, bah là, tu toucheras ta propriété de connasse que t'as là. Alors, hey, Maxime! Oui. Allez, rapproche-toi, parce qu'on t'entend plus bien. Et là, ça va mieux, là. Parce que t'es dans un endroit où on capte pas bien. Écoute bien. Ta mère, elle va jumper. Ta mère va jumper. Plus de belles, plus de tempo. Lie. Plus de cul, plus de flamme. Fon. Enculé Gérard, je raconte ce que tu dis. Lie. Enculé Gérard. Alors, je vais te dire une chose. Eh, hey, trou du cul, là. Trou du cul, Gérard. Eh, trou du cul. Allez, dis-lui ce que t'as à dire, vas-y, Aurantaine, vas-y. Eh, hey, trou du cul, je vais te dire une chose, que là, on va faire la pause avant mon débat, on va appeler Sandy, et tu vas voir comment tu vas te faire enculer, là, mon frère. Non, on n'aura pas le temps, malheureusement. Si, on va l'appeler vite fait après la pause, on attaque directement le débat sur les... Les catastrophes, mais on va... Faut que Sandy règle ses comptes avec lui aussi. Et comique s'abstenir. Voilà. Non, pas sérieux s'abstenir. Comme on dit, jamais 203. Donc on va pas s'arrêter en si bon chemin, car quelques temps plus tard, Franck Dubosc était présent, Maxime était en ligne, et curieusement, il a souhaité parler à Gérard pour lui dire tout le bien qu'il pensait de lui, sans doute, oui. Alors GG, à sa manière, l'a remercié, et de nouveau, ça s'est terminé en joute verbale, et... Enfin bref, écoutez les 5 minutes de pur bonheur à suivre, c'est cadeau. On pourrait faire un combat et puis donner on va dire qu'il marque un point. Ouais. Alors on va voir ça tout de suite avec Franck qui va donc être l'arbitre de ce match. Alors attention. Qui Maxime contre Gérard. Alors chacun votre tour, vous balancez un truc dans la gueule, d'accord? Attention, c'est moi qui donnera le top, Gérard. Attention. Vous êtes prêts? Vas-y. C'est parti. T'es une grosse merde, Gérard. Toi t'es un PD, t'es nul dans tes débats, tu vois rien, tout. Le tableau de Chambéry, ça va? Et toi, ça va, petit branleur? Cindy, elle veut rien au cul. Mais Sandy, à ton merde, elle est dans la gueule. Pas mal. Et toi, Cindy, je peux te dire, t'es la même place, Cindy, ta queue, elle fait 1m60. Elle en sort bien, rien, combien qu'on fait, PD? Et toi, t'as un petit puceau, toi, t'as jamais tiré de ta vie, t'as jamais baisé. Toi, tu dois avoir un cul d'hippopotame. Pas mal. Gérard, tu vois rien. Et tu vois rien. Non, mais arrête de dire n'importe quoi, t'es un branleur, tout dans tes débats. Chacun votre tour. Tu sais pas parler de cul, alors arrête. Gérard? Quoi, t'es sale, PD? T'as même pas de couilles au cul pour venir à Chambéry. Bon, attends, mais moi, je me déplace pas dans une ville de PD comme toi. Y'a rien de chrablot là-dedans. Je peux dire, Gérard, dans tes débats, t'es nul. Je peux dire, tu dois t'entraîner de samedi tous les soirs, elle a rien dans le slip, elle a rien dans la choune. Bah arrête, toi, t'as une tête de crocodile. Et toi, t'as rien. Je peux dire, t'as même pas de cul. Ta cul, elle fait 1m20, toute nulle, elle était nulle. Bah attends, mais t'as déjà besoin d'un crocodile ou un cheval? Et toi, t'as déjà baisé un cheval ou une pute? Bah attends, mais moi, j'ai baisé n'importe qui. Moi, puis Sandy, je l'aime et je la baise, et puis c'est tout. De toute façon, baiser, t'auras jamais de gosse avec elle. Tu peux dire, tu dois te péder comme un phoque. Oh, bah et toi, tu t'es regardé, on dirait un espèce de raton laveur, Toi, t'es un vieux enculé, toi, t'as rien dans le slip, toi, t'as... Hey, le trablo, là, tu fermes un peu ta grande gueule, maintenant, hein. Je peux te dire, t'as une grosse gueule, t'as même pas la pêche, toi, t'es fatigué, t'es mort. Oh, mais arrête, t'es petit pédé, va. Dans tes débats, t'es nul, raccroche-moi au nez, t'es même pas chiste, t'as que de la gueule. Bah attends, mais de toute manière, j'ai que de la gueule, moi, je t'emmerde, connard. Toi, t'as un petit pecno. Bah attends, mais toi, t'as quoi, t'as un vermicelle de contrebande dans ta culotte. Et toi, t'as un vermicelle et toi, t'as des vers de terre. J'accepte pas que toi, tu insultes aussi, tu envoies chez les gens, ils te aiment pas, les éditeurs, parce que t'es un gros sac. Toi, t'as une bite de chien, de berger allemand. Et toi, je peux dire dans tes bas, les gens aussi, parce qu'ils gueulent, tu les raccroches au nez, toi, t'as rien dans le street, t'as un gros cul, t'as un gros mal. Ce que je fais, je joue au golf. Et toi, moi, avec ta queue, je la joue où? Je la joue au tennis. Non. Ah, moi, je mets ça sur un bourrin, il arrive même pas, il est même pas capable de se faire baiser, ton bourrin. Et je peux dire, je te prends tout, je te balance partout. Ah, bah attends, moi je te mets sur un fer et puis je te fais baiser par le fer. Si je te vois, je t'écrase avec ta voiture. Ah non. Oh, bah attends, je vais te dire une chose, c'est moi qui vais t'écraser, puis je t'écrase comme un merdeux. Et si je vois Cindy, je vais me la faire trop, je vais lui sucer les tétons. Ouais, bah tu touches à Sandy, moi je te passe dessus. Et moi je vais t'enculer dans tous les trous. Ah non. Alors là, je vais te dire une chose, mon pote, avant de m'attraper, bah, t'as intérêt de courir vite, hein. Attends, attention, interdit d'employer le mot courir. interdit. Ah ouais, là, du coup, préciser quand même, Franck, il y a eu quand même quelques coups très très violents au niveau des insultes, et ça c'est inacceptable. Parti sur les insultes d'animaux. Sachant qu'en plus c'était bien sûr que du deuxième degré. Hein. Enculé par tous les trous, c'est pas, ça fait longtemps que j'ai pas vu cette prise-là. Non, c'est interdit ça. Baiser sur un cerf. Ça, c'est très perso. Ou jouer à la bite avec, avec ta bite. Au golf avec ta bite. Là, Gérard a marqué des points dans. Il a tapé très, très fort, là. Donc, je mets Gérard encore. Encore Gérard. Donc, c'est Gérard qui l'emporte aujourd'hui pour le jeu de l'insulte face à DJ Maxime. Maxime, désolé. C'est pas grave. De toute façon, je veux plus parler à Gérard. Il a une grosse gueule. Alors, le match est terminé. On va pas faire des bagarres. C'est bon, maintenant, embrassez-vous et faites-vous des petits bisous et des mots sympathiques. Non, mais il va se faire foutre, moi. Gérard, je te dirai un truc. Pourquoi tu m'acceptes pas dans les débats? Au moins, Mais de manière que tu sais même pas ce que c'est un débat, tu sais ce que c'est un débat. Tu vois, ils sont mal. Et ça serait bien qu'on les sépare. Oh putain, c'est le bordel. Gérard, je t'embrasse et t'embrasse Sandy. Ok, ça roule. Tiens, bisous. Bien baisé, Gérard. Maxime, merci. Je peux te dire, on va aller au cul. Hein. Comme ça, je peux te dire, je vais aller en boîte. Je vais sticker les nanas. Tu vas sticker les nanas. Voilà. Je peux te dire, Anka, elle doit avoir des jolies strings bleues. Elle doit être bonne à baiser. À bientôt, Max. Ciao. Je suis DJ Maxime. On va aller au cul. Enfant et Gérard sur mer, c'est un PD. Je lui dis joyeux Noël. Radio Chachet. Effectivement, 1-0 pour Gérard, Dixit Franck Dubosc. Mais Maxime n'a pas dit son dernier mot pour autant, heureusement pour nous d'ailleurs. On retrouve les deux Lascars juste après un petit remix que j'affectionne particulièrement. Il s'agit du Fildar et Manu remix, réalisé par Dafresh sur un instru des What a Small, comme dirait DJ Maxime. Allez, à tout de suite. On va repartir sur de bonnes conditions, donc comme le premier débat, sur le débat sur l'éclipse. Alors on accueille Adonf, c'est ça Manu qui m'a mis Adonf, 26 ans de Poitiers. Bonsoir ma poule, bonsoir mes chéris. Ouais ben. Peut-on gagner de l'argent lors de l'éclipse? Si oui, comment? C'est vrai que ceux qui ont gagné de l'argent, c'est ceux qui ont vendu les lunettes en fin de compte. Ben oui, mais il y a même ceux qui ont essayé d'en revendre au noir. Pas aux japonais, pas... Non, mais il paraît. Oh, ça commence à bien perdre, là. Vous n'avez pas la pointe du débat, parce que ça va aller vite. Hein. Moi, je vais tous vous virer maintenant. Hein. Ouais, ça suffit ou pas, là? Ouais, ça suffit ou pas, là? Au moins tu comprendras qu'est-ce que c'est un débat. Robinson, pour oui, c'est Robinson. On m'a pas reconnu, c'est mon tard. Ouais, bah au revoir. Allez hop, tu lui dis au revoir complètement celui-là. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Un autre. Manu, vous arrêtez vos conneries, Manu, t'éteins ton micro, s'il te plaît. Oh, Gérard, raconte-moi une histoire. Alors, Toto qui va chez le boucher et qui demande un roast beef de 2,5 kg. Alors, le boucher lui demande pourquoi. Donc, Toto, il dit, ben, parce qu'on est deux. Alors, le boucher lui prépare, il lui donne. Toto, il dit, mais combien de temps qu'il faut que de cuisson? Donc, le boucher lui dit 30 minutes. L'autre, pauvre Toto, il laisse une heure, et puis le roast beef, ben, il est imbouffable. Voilà, terminé. Radio GG. L'humour avant tout. Eh oui, ici, on n'est pas sur Fun, on laisse le disque jusqu'au bout. Vous êtes toujours sur Radio GG, c'est la soirée spéciale Didier Maxime contre Gérard, et attention, car là, ça devient chaud bouillant. En effet, Maxime a décidé de séduire Sandy. Voilà le gros dossier. Mais je parle pas que de Sandy quand je dis ça. Hein. Encore un passage mémorable, c'est Collector. Alors faites tourner les cassettes et le nagra. Faites tourner les serviettes. C'est parti. Ouais, qu'est-ce que t'as fait? J'étais avec ma copine Isabelle. Oui, alors? Je peux te dire, il y avait du sexe, tout, elle était en stream, tout. Oh, l'Oscar, putain, je l'ai touché les streams, j'ai mis du ketchup, un peu de mayonnaise, un peu de la pommade, un peu de la compote. Non, mais putain, en plus, je l'ai fait ça dans les chiottes. Mais dans les chiottes, elle est allée en boîte en stream? Elle était en stream et en mini-jupe. Oh putain, en stream et en mini-jupe, elle a mis quoi? La mini-jupe et par-dessus, elle a mis le stream? Le stream, en plus, il était tout blanc, le stream. Non, mais le stream, il était au-dessus ou en dessous de la mini-jupe? En dessous de la mini-jupe. Parce que des fois, vous le mettez au-dessus, faites gaffe, les filles. Hein. Des fois, vous partez trop précipitamment de la soirée. Vous avez... J'ai baisé comme à vous, ma copine. T'as regardé Secret de femme, c'est quoi ça? C'est quoi Secret de femme? C'est les trucs érotiques sur M6. Ah, t'as regardé ça? Oui. Et alors? Je peux dire, j'ai baisé de ma copine, je l'ai fait jouir, je l'ai enculé dans tous les trous. Qu'est-ce que t'en penses, Ingrid? Ouais, bah oui, bah moi j'aimerais bien que ce soit moi ce soir. Oh, est-ce que tu veux me chauffer ce soir? Oh oui. T'as envie de moi, Ingrid? Oh oui. Est-ce que tu veux que je te fasse des bisous dans le cou? T'as rechargé tes batteries déjà, là, ça y est? Oui, j'ai rechargé mes batteries, tout, ma queue, tout, elle est toute pleine, tout, je suis prêt à t'embrasser. Ah, c'est où je suis, là? Oui, je jouis, j'ai envie que tu prennes ma queue, tu l'amasses. Ah oui. Je te caresse tes seins. Oui, oui. Tu te caresses ma queue. Oui. Je te caresse tes fesses. Ah oui, vas-y. Je te fais aboiter. Ah, c'est bon, continue. Je te fais jouir. Oui. Je t'encule partout. Oui. Je te baise. Ah oui. J'y vais, je te prends partout, même dans la salle de bain. Oh, c'est bon. Je te mets même par la bouche, je te suce la chatte. Mais là, je suis sur mon congélateur. Prends-moi sur mon congélateur. Je te prends sur le congélateur, je te baisse partout dans les trucs. Elle est dure, ma queue, ça vient, je jouis. Ouais, bravo. Didier Maxime, il est chaud. Ah, il est chaud. Il est où, Didier Maxime? Là, je suis chaud, je suis comme la braise. Ouais, mais t'es où, là? T'es là? Ouais, je suis là. T'es où? Il est en train je suis avec ta copain. Ah, t'es là. Je suis là. T'as vu, j'ai assuré pour le cul. Ah putain, mais grave. Putain, Cindy aussi, elle doit être bonne, Cindy. Tu veux qu'on l'appelle? Est-ce qu'Ingrid? Oui. Ingrid, non, la celle-ci de Star. Ingrid. Je sais pas si Gérard va être d'accord. Est-ce que tu vois pas d'inconvénient à ce qu'on appelle Sandy pour qu'elle puisse parler avec Gérard? Pour parler un peu de cul. Ouais, mais Gérard va être d'accord, vous croyez? Bon, oh, je sais pas, Gérard, de toute façon, Gérard. De toute façon, Gérard, c'est un enculé, c'est un gros pouffon. Non, mais attends, Gérard pourra se défendre. Gérard sera derrière, à mon avis, Sandy, hein. D'accord. Alors attention, on y va, c'est parti. On appelle Sandy, la copine de Gérard, pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Peut-être qu'on se fera des monsieur, madame, tiens, ça m'a pris tout à l'heure comme envie de pisser. Je vois bien le faire. Ouais, peut-être des monsieur, des madame, c'est qui, quoi, je sais pas. Allô, Cindy, c'est DJ Maxime, j'ai envie de toi. Non, mais attends, DJ Maxime, moi, tu peux me laisser. J'ai envie de t'enculer dans tous les coins. Attends, tout te baiser. Mais moi, j'en ai rien à foutre de ta gueule. Et toi, t'es une pisseuse, t'as jamais baisé de ta vie, t'es une salope. Mais quoi, je suis une salope? Qu'est-ce que t'en sais que je suis une salope? Sandy, Maxime, il est à moi, tu le lâches. Hein. Gérard, c'est un enculé, Gérard. Non, mais je le garde, il n'y a pas de problème, alors maintenant, t'arrêtes de l'appeler, quoi. Cindy, t'es une petite pétasse, Cindy. Mais j'en ai rien à foutre de ta gueule, c'est même pas comme ça qu'ils font parler pour m'avoir. De toute façon, je te baisserai dans tous les trous, je t'enculerai dans tous les trous. Arrêtez. Alors déjà, ça s'appelle pas Cindy, mais ça s'appelle Sandy. Sandy, voilà, je te prends dans tous les coins. Ça va Sandy, ma petite chérie? Ouais, enfin, ça va, mais DJ Maxime, il croit que c'est comme ça qu'il peut avoir des nanas. Non, mais il est fou ce mec, hein. Mais il a qu'à prendre une autre nana, mais pas moi en tout cas, moi j'en ai strictement rien à foutre de sa gueule. Mais alors, c'est une petite salope, Cindy.

C'est, oh bah oui, tu peux faire une branlette espagnole avec ça, hein. Ah oui, entre les seins. Il y a pas de souci, ouais. Ah ouais, il y a pas de problème, hein. Non, attends. Entre les seins. Maxime. Oui. La question qu'il faut lui poser, c'est est-ce que tu es célibataire ou pas, Ingrid? Est-ce que tu es célibataire? À temps partiel, on va dire. À temps partiel. Oh là là, c'est bon pour moi. C'est bon pour moi. Il sait même pas ce que c'est. Oh, oh là là là là, c'est un gros dossier, ça, hein. Ouais, je peux dire, tu es le meilleur, Max. Ingrid, elle est jolie. Elle est belle comme tout. T'es comment physiquement, Ingrid, pour DJ Maxime? Je suis relativement grande, 1m75. Oh là là! Mince, brune, les yeux bleus. Ah, oh là là! Tu fais quoi dans la vie? Je suis obligée de le dire? Non, mais bon. Non, mais on va plus le tenir, DJ Maxime, si je dis ça. T'es hôtesse? Je suis infirmière. Oh là, oh oh là là! Là là là là là là là elle doit faire des piqûres, ça doit faire mal. Oh là là, ouais, mais bon, bah, t'imagines, elle doit être nue sous sa blouse aussi. Elle doit être nue sur sa blouse, là, tout. Je voulais deviner, les garçons. Là. Oh là là. Il faut que ça reste dans le domaine du contact. Elle doit être nue sur sa blouse, tout. Oh, c'est de la balle. Je peux dire, tu es le meilleur, Max Ingrid, je l'adore. Ouais, et je vais te dire un bon truc, j'ai un truc pour. Du coup, c'est à quoi ça me fait penser, Ingrid, quand tu me dis ça? Vas-y, dis. Je vais te dire ce qui m'a pensé. J'ai la quéquette qui colle, j'ai les bonbons qui font des bons, j'ai la quéquette qui colle, dansons sur le pont d'Avignon. Toujours molle sur le poste en ce 27 avril 2006, et pas un seul jeu de mots, vous devez vous dire que je suis malade. Eh bien non, car la raideur ce soir, c'est Gérard et Maxime qui la créent, et ils sont balèzes les loustiques. Ils peuvent pas se saquer et vont nous le prouver une nouvelle fois. C'est jeudi, et comme tous les jeudis, il y a un débat de Gérard, et ce soir-là, il portera sur le chômage. Ce sacré DJ Maxime avait décidé d'y participer. C'est sans compter sur le refus catégorique de Gérard, qui va nous réinventer ce soir-là le mot hécatombe en décatombe. C'est encore énorme. Bref, vous êtes vernis. Le meilleur de Gérard, c'est sur Radio GG et nulle part ailleurs. Je m'attendais à ce que, effectivement, on reprenne, et puis je me suis dit, tiens, je parle, mais je cale rien. Ben, je vais remettre pour la deuxième fois ce soir ce qui sera peut-être, et je l'espère, un futur tube. C'est français. Je vous l'ai mis tout à l'heure. Bel amour, et j'espère qu'entre temps, Gérard sera de retour. 0803. Ah, bah, si, on a Maxime, deux secondes. Maxime, t'es là, Maxime? Excuse-moi, Maxime, t'es toujours là? Oui, je suis toujours là. Est-ce que je vais partir cette tour des belles Gérard? Bah, on va aller au cul ce soir. On va baiser les femmes, tout. On va les mettre dans la choune, tout. Bah, ouais, mais le problème, c'est qu'il faut demander quand même à Gérard si c'est possible, parce qu'on lui a pas demandé. Parce que Gérard, je l'aime bien, il est sympa, je me suis excusé vers lui, j'étais honnête. Appelle-le sur son portable à Gérard, qu'on essaye de dialoguer un petit peu, et lui demander si c'est possible que tu participes au débat quand même. J'aimerais bien. Ah ouais, ce soir, jusqu'à 2h du matin. Tu connais un peu le chômage, tu maîtrises un peu? Je connais un petit peu sur le chômage, parce qu'il y en a, il faut qu'ils sont dans la rue, tout, il faudrait qu'ils bossent un petit peu. Ouais, c'est des feignants aussi, les gens dans la rue. C'est des feignants. Ouais, c'est vrai. On appelle Gérard qui doit être sur la route, hein. Allô? Gérard, t'es sorti du Virgin, ouais, ou pas? Hein? T'es sorti du Virgin? Ouais, ça y est, on est sorti, mais alors je t'explique pas la décatombe pour sortir. Hein. La décatombe, très bien, Gérard est là et il vous le prouve avec ses mots à lui. T'es où? T'es sur les champs, tu marches là? Ouais, là on descend là. Hein. Je t'explique pas le monde qu'il y a devant, c'est grave. Hein. D'accord, mais tu vas vite là, vous allez aller vite. Ouais, là on redescend là. D'accord, il y a DJ Maxime qui voudrait participer à ton débat. Non, il va se faire foutre lui. C'est terminé, il participe pas, il fait pas de débat, il sait tout. Il reste, lui, il écoute. Il est là, il va. C'est la décatombe quand même, hein. Il veut te parler là, Gérard, Maxime. Ouais. Vas-y, Maxime. Je me suis excusé vers toi, tout, je me suis fait le pardon, tout, j'ai dit. Quoi? Je me suis excusé vers toi, vers Cindy. Non, même tu participes pas dans mes débats et c'est tout. Pourquoi? C'est comme ça, c'est pas autrement. Pourquoi? C'est moi qui commande le jeudi, donc c'est comme ça. J'aimerais bien avec toi. Non, mais c'est terminé. Si, j'aimerais bien. Il est hors de question que tu participes dans mes débats, c'est tout. Parce que je voudrais bien. Non, tu n'insistes pas, c'est non. C'est pas sympa, toi. Eh ben alors, je veux pas le savoir, je suis peut-être pas sympa, mais c'est comme ça maintenant. C'est moi qui commande le jeudi, donc tu participes pas au débat, et c'est tout. J'ai envie de participer, je sais ce que c'est sur le chômage. Non, je te dis que non. Toi, t'es un gros sac. Ouais, bah toi, t'es un gros con, d'accord? T'es un gros blaireau, va te faire Cindy. Toi-même, va te faire sodomiser toi-même, les connards. Va te faire enculer. Sois poli avec les gens qui t'emmerdent, espèce de pédé. Sois poli avec les gens qui t'emmerdent. Ça, c'est une phrase encore à Gérard de Suresnes. Il n'y en a pas deux. Pour ça. Ah là là là là, quelle histoire entre vous deux. Hein. C'est quand même... Il n'est même pas sympa, il n'est même pas honnête. Et alors, de toute manière, t'as pas essayé de savoir si tu veux participer. Le jeudi, c'est moi qui commande et je ne te veux pas. Voilà, et c'est tout. J'ai jamais participé. Et bien même, tu participeras jamais. T'es un gros connard, t'es un gros mytho, t'es un gros enculé, t'es un fils de pute. Oh non, ça va trop loin, ça va trop loin, ça va trop loin. Gérard, vous êtes à quelle hauteur là? Gérard? Mais Gérard, il a raccroché ce con. Bah, rappelle-le-moi. Dis donc, eh oh, tu gueules un peu trop, toi, Maxime. Eh oh. Je l'ai envoyé chier, il me fait chier aussi. Ah ouais, mais quand même doucement, eh oh, gamin. Ouais, eh oh, allô, gamin. Cindy, je vais me la taper, Cindy. Non, non, non, bah attends, attends, je vais rappeler, je vais le rappeler. Tu te calmes, hein. Ouais. Ouais. Ouais, c'est Max, vous êtes à quelle hauteur, là? Vous êtes où? Là, on vient de passer la boutique du PSG. D'accord, donc vous êtes là dans quoi, 4-5 minutes? Ouais, à peu près. Ah, il va falloir vous speeder un peu, les enfants, hein. Ouais, non, mais c'est bon, t'inquiète pas, hein, on arrive. Gérard. Ah, va te faire enculer, toi, pédé. Tu veux rien au cul, t'as jamais baisé. Ah, non, mais, vas-y, toi, jeune puceau, là, qui crois baiser mieux tout le monde, allez, vas-y, puceau, tu m'intéresses pas. Allez, dégage l'antenne, je veux pas t'entendre, c'est tout, dégage. T'es un jeune puceau, dégage de là. Va te faire enculer, va te faire mettre. Ouais, bah toi-même, va te faire enculer toi-même, espèce de connard. Cindy, je vais me la taper, Cindy. Ouais, bah en tout 70, je te jure que moi, je te nique, moi. Gérard, on te donne rendez-vous dans 5 minutes dans les studios, hein. Ok, bah on arrive, là, on est plus loin. Accélérer la cadence, hein. Ok. D'accord, à tout de suite. Cindy, je la baisse. Gérard, je veux dire, je le prends un grand pardon, je le promets, je l'insulterai plus. Et Cindy, je le prends un grand pardon, je peux dire qu'il peut me grand pardon parce que j'étais cru avec Gérard, je m'excuse. J'ai plus envie d'enculer sa copine. En plus, j'encule des autres filles maintenant. Ouais, t'encules cul en ce moment, Radio Chacha. La radio où tout le monde s'encule. Voilà, l'émission touche à sa fin, j'ai été ravi de la partager avec vous. La semaine prochaine, vous retrouverez un nouveau connard dans la radio. En attendant, portez-vous bien, ne vous mettez pas trop de tonton-tige dans le cul, et on se quitte avec une parodie remix de mon cru. Ça s'intitule DJ Maxime. Tiens, comme c'est marrant, ça rappelle le thème de notre émission. Allez, à la prochaine les kids et les belettes, je vous mets tous des gros pouces. Bye. On va toujours la radio sur des radios, ça marche bien. De 16h jusqu'à minuit, c'est l'antenne. Vous m'appelez, je vais mettre le feu. Ouais, parce que je me suis engueulé, j'ai trouvé trop fort. Chou. À très bientôt et à demain. Avec ses phrases, ses syntaxes, qu'il aime scander chez Max, c'est tout en boîte ce soir, ambianceur dans le noir. ODS Radio, il est chaud, non, parce qu'il ose juste un peu mytho. Un sexe d'1m20, tient pas dans la main, le chaud lapin toujours en chien. A envie de croquer devant les films érotiques d'M6, il a la bandouche. Alors il se touche le faux DJ aux phrases déplacées. Inconsciemment, risque de choquer, à la première écoute, tu restes scotché. Alors, tu mets le son à fond, il pète le score. D'audimat de l'émission, ne pas le connaître, ce serait un vrai crime. Je te parle bien sûr de DJ Maxime. On est là, je suis là avec toi pour le tous en bois. Cet été, je vais mixer dans les vacances je viens dire, je pars en vacances. Je vais aller au Cap d'Aille pour mixer dans les plus grandes boîtes du 31 août jusqu'au mois d'août, jusqu'au 1er août. Dance, techno et du son qui tape, les Watt and Small, Stardust ou les DAF, handicapés aux neurones sensibles, full d'awa, les One quand il part en vrille, écoute son speech qui déchire tout, un style à lui, un phrasé un peu fou, c'est de l'exclusif avec l'œil. Il mâche pas ses mots, ne fait pas dans le détail, téméraire, ambianceur, toujours en chaleur, rien ne lui fait peur à ce séducteur. Un cas comme lui est vraiment rarissime, ne passe pas à côté de DJ Maxime. Je ferai bien fringuer pour toi, je te viendrai prendre dans tes bras, je te ferai des bisous dans le cou, je serai sensualité, j'irai tout doucement au cul. Il mange comme un dégueulasse, il sait pas faire l'amour lui. Et je peux rester avec vous encore parler du porno. Je suis déjà en bas et après tu connais bien ma fille ensuite. Des villes profondes, pauvre garçon au fond. Mais l'attention et le feu à l'émission. Offre des entrées à la piscine de Rémini, des capotes et des tours de karting gratuits. La bête de sexe, rêvant de partout, se plaît en fait à piéger des douilles. Monsieur et madame, la pipe, c'est le B. Appelez-moi s'il vous plaît. R-A-V-I. Ce cadre ne se rend pas compte de ses conneries. Ses passages radio sont vraiment inouïs. T'as bien compris, retiens son pseudonyme. Cette future star se nomme DJ Max. On met le feu. Tous en boîte. Live, l'ouvre-boîte, Europe 2, Estravaden, ODS Radio, plus de rock, plus de tempo, plus de direct, plus de rock, plus de rap, plus de dance, plus de techno, plus de rock, plus de tempo, plus de direct, plus de rock, plus de rap, plus de dance, plus de techno. Oh, ben c'est pas fini! Diantre, jeune sauvageonne, que viens-tu t'aventurer par ici? Eh ben, pourquoi c'est pas fini? Vas-y, ferme donc ton claque-merde et laisse parler Monsieur Mort. Eh bien, en fait, ce n'est pas fini tout simplement parce qu'il y a une surprise. Vous la découvrirez juste après les dédipouches de Mister Cousin. les Daily Pouces de Mister Rouzard. T'es ouf ou quoi? Oh, wesh wesh, alors big up au PDG qui voulait que je lui fasse une parodie mystère intitulée Tourette. Mais sache ça, goy, ouais, t'as vu qu'il n'y a pas la place dans cette émission pour des parodies aussi raideaux, ça craint, ouais. Ensuite, un gros pouce à la mère de compète, ouais, on lui met un gros pouce, ouais, de la part de Punch, ouais. Enfin, spécial pouce dédié, supersonique ta mère, parce qu'il croit qu'il va prendre leur lait la semaine prochaine. Ouais, vieux, mais je te rappelle juste qu'on veut pas les mecs de 12 ans sur Radio GG. Ah, dans ton cul, voilà. C'est un ouf, quoi, là. Oh. Et pour finir, la grosse surprise. Un enregistrement collector de Gérard. En effet, Gérard aurait participé à Qui veut gagner des tickets resto sans le dire à personne, l'enculé. Allez, je vous laisse découvrir combien il a gagné. À pouf. Bonsoir et bienvenue à Qui veut gagner des tickets resto. Ce soir, je reçois Gérard, dit le petit furet mystère. Gérard, bonsoir. Alors, je vois que vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec votre animal de compagnie. Sandy, bonsoir. Mais par contre, vous avez laissé un autre bulldog mystère à la maison, c'est ça? Écoute, j'ai fait un petit coucou de ma part. Bonsoir, connard. Très bien. Écoutez, si vous le voulez, nous allons jouer ensemble à Qui veut gagner des tickets resto. Attention Gérard, première question pour un ticket resto d'une valeur d'1,27€. Que signifient les initiales SDF? Réponse A, sans domicile fixe. Réponse B, Sarkozy, défenseur français. Réponse C, senteur de fion. Réponse D, pense à ta mère. Je vous sens un petit peu sceptique comme la fosse. D'ailleurs, je vous sens bien comme la fosse. Peut-être désirez-vous demander l'avis du public? Vas-y, espèce de tremblon! Public, à vos télécommandes, votez s'il vous plaît. Appuyez bien sur les touches, c'est du matos qui vient de Roumanie. Je crie qu'on est là. Sinon, Gérard, la badette? Impeccable. Super. Ah, voici les résultats. Alors, 57% du public pense plutôt en regardant la grille de mots croisés qui vous sert de dentition que SDF signifie sans dents fixes. Les gens, c'est vraiment des connards. 12% pensent que ça sonne fennec depuis votre arrivée dans les locaux. J'ai dit qu'on parlait pas de la loco. 73% pensent à ta mère. Hey, est-ce que ta mère, elle aime les mecs? Et 25% ont voté pour que vous perdiez le plus vite possible car ils ne peuvent pas vous blairer. Ils sont même pas capables avant. Alors. C'est votre dernier mot, Claude? Oui, oui. Et c'est la bonne réponse! Vous avez atteint le premier palier. C'était pourtant mal barré avec votre jambe en vrac. Palier, étage, tout ça. Bon, bref. On passe à la question qui vaut deux tickets resto d'une valeur totale de 1,27€. Quel pays n'est pas en Europe? Réponse A, la France. Réponse B, l'Espagne. Réponse C, le Brésil. Réponse D, le Vatican. Comment que ça se fait que... Non, je pense que là, vous faites l'illusion. Je serai vous, je prendrai encore un joker. Je ne vous propose pas l'appel à un ami, vu que vous n'avez pas d'amis. Merde. Donc, prenons le 50-50. Ordinateur, veuillez retirer deux tickets resto, s'il vous plaît. Non. Ici, on ne retire pas les mauvaises réponses, on retire le gain. C'est nouveau, ça vient de sortir, et ça fait un malheur à Montigny-le-Bretonneux. Alors, Gérard, votre réponse? Je vais te dire une chose. Je commence à en avoir ras-le-bol. Non, ce n'est pas c'est ça. C'est moi qui commande. Oh, quel dommage! C'est la fin de l'émission. La semaine prochaine, je recevrai comme candidat DJ Maxi, DJ Maxi d'ailleurs, et je laisse la place à Philippe Rosoli pour le juste prix. A très bientôt. Au revoir. Bonsoir. Oh, mais c'est un beau cadeau, dites donc. Tu t'écrases, la poupiasse.